quitté la rue, mais la rue ne m'aura jamais quitté. J'ai fait de l'argent, mais l'argent ne m'aura jamais guidé. J'ai toujours été fidèle à mes principes et mes idées. Et chaque fois que j'ai merdé, j'ai eu que ce que je méritais. Génération décimée, parce que le mal ici règne. Le calme troublé par les coups de feu, les sirènes. Non plus personne ici règne, y'a plus d'avenir ici même. On a connu Happy Days, mais y'aura pas d'Happy End. Juste une go en BM, qui donne le go en DM. La mort arrive en TM, capuché père de DL. Part sans laisser d'ADN, un corps au sol après elle. Étendu dans la ruelle. Le monde est cruel. C'est réel comme le réel. Ce qu'on fait de mal, on le verra. C'est réel comme nos ruelles. Passer du bus au Panamera. Dans les médias, je suis visé. Je peux même plus aller pisser. Les yeux plissés, on me rafale photo quand je pense à les pisser. Tant demain, je meurs qui sait. Mais jamais je vais glisser. Le sort dort, t'entends des rafales, t'entends les pneus crisser. Ah, le monde est bizarre, même quand tu leur donnes, ils t'en veulent. En plus, ils sont ingrats, sont pas contents quand tu t'en bats. Ça te dit rien, mon frère, et ça veut se venger. Venger. Manger, c'est la misère et ça fait des dingues pour manger. Manger. Frérot, la nuit je cogite. Pour évacuer, j'écris. Frérot, y'a plus de logique. J'peux pas reculer, j'fais le tri. Ça plein crèche à sous les deux semelles. Une janasa toutes les deux semaines. Sale quand c'est la rue qui parle. Très tôt on se rebelle. T'oublies le trait au plus de repères. Le mal qui nous touche est si bas. La vie tient qu'un fil, et parfois c'est pire. Juste un coup de fil, fil avant que ça tire. Marre la tire, on se tire, tire. Le frein à main, histoire de dire, tire. Ma révérence au frère avant de partir. Faut dire que l'époque est hard, restons sur nos gardes. Notre-Dame nous garde, j'narre ma vie, mon art. Une arme, ma vie sort du nargue. J'lâche pas l'affaire, pas un mot sur les faits. La ferme, on lâche pas un frère. S'il faut le faire, on le fait. T'as craché, espèce de lâche, lâche, peux rien faire. On est fâché, un peu à l'arraché. Je m'exprime, respect à ce qui m'estime. Féléops représente Marseille, le J et la team. Ça te dit y'a rien, mon frère, et ça veut se venger. Manger, manger, c'est la misère et ça fait des dingueries pour manger, manger. Le monde est cruel, H24 ça charbonne, partout ça rafale pour contrôler la zone. C'est réel comme nos ruelles, faut tasser le bénef, mettre la famille dans tes nefs, ouais, ouais, ouais. Le monde est cruel, QSCV, original, quartier normal. C'est réel comme nos ruelles, faut tasser le bénef, ici faut croire en ses rêves, ouais, ouais. La nuit c'est trafic, la nuit c'est mauvaise pratique, la nuit c'est tragique. Arme, sirène classique, couper une plaque c'est basique. Survêt puis ma ASIC, j'ai la tête dure comme Basile. J'suis dans la cage comme Baki. Si j'tombe, j'connais l'histoire, le S. Garde ton message, envoie un PCS. Perdu dans le sud comme une arme de l'Est. J'trace sous la lune, j'suis en mode S. Couche tard comme le shoot star. Et j'pense aux frères qui m'ont quitté comme Tupac. À la barre, toujours présumé coupable. La nuit les mères pleurent quand les coups partent. Viens voir ici sa carte, la nuit ça pense qu'à voler. Pour la monnaie, ils perdent leurs principes et oublient leurs valeurs. Si t'es mon frérot, moi je pourrais jamais te donner. T'es parti, t'es plus jamais revenu, on s'était dit à ta l'heure. J'suis toujours le même gros pétard capricieux. Ma zen toujours dans la course, ça les gêne. J'sais qu'ils ont le seul. Cache le terre devant les darons, mon frérot. Archeux, vite à retourner ta veste jusqu'à la moitié, m'appelle plus le dumb. J'ai pas écouté, pourtant tu m'avais averti. Tu sais bien que la patience est la plus grande des vertus. J'protège mon camp comme Léo Balerdi. On a trop saigné le bitume. Ça veut nous retourner les cerveaux comme des Rubik's Cube. Au sommet ça vole pas haut. Pour qu'à se faire de la mauvaise pub, on appelle le tarot. On se trouve trop d'excuses, force à toi derrière les barreaux. Pense à ceux sous les scutes, ça évite les stupes. Inévitable la chute, stupide. Les faits ça les réfute. Pour des adultes, cupides. Tu viens qu'on discute, ne sois pas la pute. Du fric, on est que de la récup. Dans le seul but, qu'ils vivent aisément. Ça faut que tu le saches vraiment. On fait pas tout par manque de faf, ben non. En regardant les événements, je suis pas zen, non. Je suis persuadé que je suis pas là au staff, vainement. La violence atteint un autre stade maintenant. Le cœur lourd, je rappe ma vie en bas des tours. Rien n'a changé depuis l'époque, toujours les mêmes fours. Toujours la même violence, c'est toujours la même ambiance. Montée de délinquance, nos modes de vie, ses conséquences. Profite de ton père et ta mère, car personne n'est éternel. Dans cette vie, on peut tout perdre, tu peux te retrouver dans la merde. Mais sûr qu'on en a marre que ce pouvoir nous hackare. C'est ce que je remarque, sans plus de pitié à notre égard. Marseille la nuit, oui, elle est belle ma ville. Non, c'est pas le paradis, mais bien la ville où j'ai grandi. Où sont nés mon fils, ma fille, où je terminer ma vie, et ouais l'ami. Chacun veut sa petite recette. La vie de Pablo, le four, le RS7, un de poussette. Les poucaves sont comme à l'ancienne. De logo, puis mise en scène. Silencieux sur le coussin. Nos vies ne tiennent que sur des ficelles. On vit sans jour en un seul, en oubliant l'essentiel. Très Palestine, combat interminable. Jusqu'à la lueur de la nouvelle Luna. Force aux familles pour battre sur leur terrain. À ciel ouvert, peu pitié pour la bataille du couronne. Ennemi d'État, âme d'honneur. Ça te dit rien, mon frère. ça veut se venger. Manger, manger, c'est la misère et ça fait des dingueries pour manger, manger. Le monde est cruel. Trop de tristesse pour le bif crève, pour la vie trêve. C'est réel comme nos ruelles. Faut tasser le bénéf, mettre la famille dans tes nefs. Ouais, ouais, ouais, le monde est cruel. Les cœurs sont endurcis, on se sent en sursis. L'avenir s'obscurcit. C'est réel comme nos ruelles. Faut tasser le bénéf, ici faut croire à ses rêves. Ouais, ouais, ouais, ouais, le monde est cruel. Ça te charcute à l'opinel et tu te réveilles à l'hôpital. C'est réel comme nos ruelles. Faut tasser le bénéf, mettre la famille dans tes nefs. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est réel comme nos ruelles. Faut tasser le bénéfice, il faut croire en ses rêves. Ouais, ouais, ouais.